Thank you. à escalader le versant desséché du Nord. À chercher vainement un bout d'Eldorado, mais qui donc qui vient là glisse sur le chemin, tout doucement se We'll be right back.